chers chroniqueurs? Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oui. Bon. Bah et toi alors? On t'a pas vu depuis vendredi dernier, hein? Ah oui, alors parce que cette semaine, je me suis disputé avec ma copine. Alors, tu vas me dire, ça t'a pas pris toute la semaine? Bon, bah si vous m'aviez dit, ça t'a pas pris toute la semaine, je vous aurais répondu bien sûr que oui. Je viens de vous dire, je m'étais pris la tête avec une meuf. Oui, c'est sexiste dès les premières lignes. C'est pour toi, Floriane. Ouais, tu me plais. Elle va adorer. Et ce qui est marrant quand tu te disputes avec ta meuf, c'est qu'elle part toujours chez sa meilleure amie. Une fois, je lui ai dit, mais pourquoi tu vis pas en coloc avec elle? Tu serais directement sur place. Et là, elle l'a mal pris. Elle est partie chez sa copine. Sa copine qui doit être au bout du rouleau, ou sourde. Et je me suis demandé, si elle se dispute avec sa copine, elle est marron, elle va chez qui? Chez son amant? Oui, mais... si elle se dispute avec son amant, du coup, elle revient à l'appart? Oh, pourvu qu'elle se dispute pas avec son amant. Et ta copine, pour discuter de la dispute, elle fait ça de chez sa copine, mais par texto. Mais du bon texto, hein, le pavé, quoi. Mais elle t'envoie 30 pavés. Tu fais défiler ça sur ton écran, t'arrives pas à aller jusqu'au bout. T'as une tendinite au pouce. Et le 31e texto, il est très court, c'est toujours « Mais je veux surtout pas te prendre la tête !» Ça part quand même très très mal, là, hein. Et là, faut répondre. Mais attention, faut utiliser les bons mots, bien mettre les virgules au bon endroit, ne pas mettre trois petits points n'importe où. Oui, parce qu'elle va tout analyser, hein. Pourquoi t'as mis ce mot plutôt que celui-là? Pourquoi tu utilises le subjonctif? Moi, j'ai mis 20 à 45 minutes pour répondre à des textos, hein. Par contre, c'est un bâton merdeux, hein. Parce qu'elle risque de dire, pourquoi t'as mis autant de temps pour répondre? Ah, mais moi, je comprends les maris qui tuent leur femme, hein. Ouais, celle-ci ici, ouais, elle est un petit peu limite. Moi j'aime bien, ça me fait... Floriane beaucoup moins. Et moi j'ai une nana, j'ai l'impression qu'elle a un quota d'engueulade dans le mois. Hein. Et puis ça peut tomber n'importe quand, un peu comme en troisième, tu sais, pan, interro surprise. Sauf que là, tu révises pas tes leçons, mais tu révises tes dossiers. Oui, vous les nanas, vous marchez en dossier. Autant dans vos sacs à main, c'est le bordel, vous retrouvez rien. Autant les vieux dossiers d'il y a 4 ans, pff, on peut vous faire confiance. Hein. Puis j'ai appris un truc pendant une dispute, faut pas faire de blagues. Eh ouais, mais moi je savais pas, trop con. Parce que moi je suis un sniper, je fais des blagues, je casse. Elle aussi, les couilles. Par exemple, une fois elle me dit, oui, souviens-toi en 2012 quand t'avais maté la nana. Sur quoi j'ai répondu, mais en 2012 ma chérie, j'en ai maté 10 000 des nanas. Bon, sniper, pour détendre un peu. Bon, bah le faites pas, ça marche pas. Bon, tout ça, évidemment, c'est exagéré, c'est un sketch. Hein. Ma copine est au courant, hein, que j'allais faire cette chronique. Hein. D'ailleurs, elle doit l'écouter, oui, oui, de chez sa copine.